couple, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Ben dites-le plutôt clairement. Disons le mot, vous avez été antisémite. Exactement, dans la mesure où je supposais les sémites nous pousser dans la guerre. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 7, épisode 39. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous écrire, faites-le à l'adresse suivante dempart@dnmx.org. Je répète, dempart@dnmx.org. Le nouveau nom de domaine, puisque celui que nous avions avant en point homes, H-O-M-E-S, à sauter. Le nouveau, c'est en point shop, comme un magasin en anglais, shop. Dempart, D-E-M-P-A-R-T, point shop. Et enfin, le forum, EELB.SU. EELB.SU. Grâce au forum, vous pouvez commenter les émissions, bien sûr, commenter l'actualité, les articles qui paraissent, la partie révisionnisme, qui n'est plus malheureusement animée en ce moment par Vincent, mais... qui ne demande qu'à l'être de nouveau, mais il y a tous les sujets qui sont régulièrement mis à jour, puisque nous diffusons la série Réhabilitation du Troisième Reich, initiée par Vincent. Et donc, il y a évidemment de quoi faire sur le forum. Pour ceux qui sont en attente de voir leur compte activé, patience et longueur de temps, on s'y attelle. Alors cette semaine, format un peu exceptionnel par la force des choses, puisque nous avons beaucoup de participants qui ne sont pas disponibles. On arrive au mois de décembre et c'est vrai que les fêtes de fin d'année approchent, donc on n'a pas pu avoir le nombre habituel de participants, mais j'ai un duettiste avec moi, de qualité, puisque c'est le cardinal himself, qui nous fait le plaisir de me rejoindre, voilà, aujourd'hui. Salut Cardinal. Salut Gandalf, salut aux auditeurs. Oui, bah écoute, petit comité, pour une petite discussion sur les sujets, ma foi. Sur les Juifs, hein. Oui, entre autres. Oui. Entre autres, hein. Et leur périphérie, dira-t-on. Avant de d'entamer l'émission, on va remercier nos donateurs. Alors merci à tous, chers donateurs, ceux qui restent anonymes, qui nous soutiennent, mais qui ne se manifestent pas par courriel. C'est leur droit, c'est leur liberté, bien entendu. Merci à vous, nous savons que vous nous soutenez. Alors comme toujours, par Monero, la crypto-monnaie qui vous garantit que la transaction est anonyme, c'est très important dans cette ère de surveillance généralisée. On n'a pas envie de savoir qui on soutient, hein, surtout démocratie participative, car ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ce que nous faisons, ce que nous disons, ne plaît pas à tout le monde. Hein, vous voyez de quelle confession je veux parler. Et donc, voilà, vous pouvez le faire grâce à Monero. Alors, il y a un guide explicatif qui est présent sur le site. C'est assez simple au fond. Hein. Je vous invite à vous y reporter. Mais il y a des gens qui souhaitent nous dire qu'ils nous ont soutenus et qui nous envoient un courriel, et c'est avec le plus grand plaisir qu'on leur répond. Premier don, salutations participatives. Voici un don de 1,15 Monero pour aider Dempart à continuer le combat. Un montant similaire a été envoyé sur l'adresse Monero du blog Sans Concession. Donc ça, c'est de Vincent Renoir. Hein. pour aider et soutenir le prêtre du national-socialisme Vincent Renoir. Nous espérons que ce don l'aidera dans sa bataille judiciaire et fera hurler de douleur quelques juifs. Alors, encore merci à Gandalf et à toute son équipe pour leur travail militant, d'épée pour nous ce que pouvait être le Völkischer Beobachter ou le Der Angriff pour un militant NS à la fin des années 20. Nous vous saluons le bras tendu depuis le territoire de la Grande Bourgogne Blanche. Sieg Heil! C'est donc Darnan, Joseph, qui nous envoie ce message. Je crois qu'ils sont plusieurs, ils sont un groupe hein, de camarades. Effectivement, à nous soutenir. Donc, merci Joseph. Merci pour Vincent. Hein. Bon, je me fais pour le coup l'interprète de sa gratitude. Hein. Bon, que je sais, il aurait formulé lui-même. Quand j'aurai fini de remercier les donateurs, je vais revenir sur la situation de Vincent. Donc, on pourra faire un petit peu le point. Donc, merci pour lui. Effectivement, si vous souhaitez soutenir Vincent, hein, vous pouvez passer par son site internet, Blog sans concession, comme vous le savez. Donc, l'adresse exacte, c'est blog, blogue-sc.com. Tous les dons que vous faites en crypto-monnaie sur le site de Vincent, en dépit de sa détention actuelle, sont bien reçus par son équipe, qui est de confiance. Hein. Donc, je vous le dis, elle est de confiance. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez continuer à le soutenir. Ça n'est pas du luxe, puisque effectivement, ça sera en toute probabilité. Je ne connais pas exactement hein, la gestion financière de sa défense, mais je sais qu'il a maintenant un nouvel avocat, un avocat de renom d'ailleurs, pour le défendre face à cette demande d'extradition en Écosse. Et donc, de toute façon, tout soutien financier pour Vincent est un réel plus. Hein, je veux dire, parce que bon, il est indubitable que la disproportion des forces est réelle. Donc, si vous souhaitez le faire, si vous souhaitez aider Vincent, en dépit de sa détention, vous pouvez le faire à l'adresse que je viens de donner. Donc, merci à Joseph pour son soutien à DP. Merci à Joseph pour le soutien à Vincent. C'est dans ces moments-là que ça compte. Et c'est avec plaisir, bien sûr, qu'on continue le combat, parce que on a quand même le cœur léger, en dépit des difficultés. Alors, je poursuis. Don numéro 2. Bonjour, chers démocrates participatifs. Un deuxième don de 0,16 Monero qui en appellera d'autres dans un futur proche. Un message simple afin de vous remercier de nous réchauffer le cœur en ces temps difficiles entourés de bouègres et de juifs. Le combat est difficile, ne serait-ce qu'avec mes proches et petit à petit auprès des collègues de travail. En toute subtilité, du moins, j'essaye de m'y employer le plus possible afin de leur montrer et prouver les méfaits des démons de Judée au sein des sociétés qu'ils corrompent. Un mot également pour le courageux Vincent Renoir. La vérité éclatera et lui donnera raison. Être martyrisé par les juifs est un couronnement de gloire. Bonne continuation, chers camarades. Et c'est signé HHH. Merci HHH. Je ne saurais être plus d'accord en ce qui concerne évidemment Vincent. Je suis également content que le site, l'émission, en fait, tout ce qu'on fait collectivement, même le forum, hein, je veux dire, avec les camarades qui sont présents là-bas et qui échangent très librement, ben, que ça permette un petit peu de créer une émulation. Et en ce qui concerne le sentiment général à propos des juifs, alors je peux vous le dire, parce que j'ai quand même un certain recul, que les progrès en la matière sont tout à fait extraordinaires sur les 15 dernières années, hein, tout à fait exceptionnel. Les juifs sont sur la défensive, hein, ils sont pas sur l'offensive, ils sont sur la défensive, ils essayent de contre-attaquer, mais avec les plus grandes difficultés, en dépit des énormes moyens qu'ils ont, mais l'or ne fait pas tout, hein, quand on est détestable, peu importe l'argent qu'on a, peu importe les lois que l'on fait voter pour forcer les gens à vous aimer, bah, quand vous êtes détestable, hein, et les gens vous détestent, c'est normal, il n'y a pas de surprise là-dedans, donc il y a de très réelles avancées, au niveau global, hein, même pas qu'en France, hein, mais je pense que sur ce sujet, sur la question juive, ça progresse, et ça progresse dans la bonne direction. Donc merci HHH, et à bientôt, hein. Don numéro 3, enfin, c'est Papy Francis, que je salue, qui avait fait un don le 23 et un don le 26, nous dit-il, d'un monero chacun. Donc, généreux donateur Francis, je te salue, enfin, Papy Francis, je te salue, et merci pour ton soutien. Ça réchauffe le cœur, comme chacun s'en doute. Maintenant, j'en viens à la situation de Vincent. Donc c'est une demande concernant Vincent qui nous est adressée. Voici le petit courrier. Bonjour camarade, ayant lu la lettre de Vincent Raynouard, donc c'est vrai que Vincent a écrit une lettre de prison qui a été publiée par le journal Rivérol, journal également persécuté par les juifs, qui lui ont enlevé son agrément officiel de titre de presse, c'est-à-dire que ces journalistes, à commencer par Jérôme Bourbon, n'ont plus de carte de presse. J'ai tendance à croire que c'est plutôt un honneur hein, qui est fait à Jérôme Bourbon, parce que quand on connaît l'histoire de la genèse de la carte de presse en France, en fait, par le système gaullo-communiste en 1946, c'est plutôt un hommage du vice à la vertu, mais bon, sur demande des Klarsfeld, d'ailleurs, je vous rappelle, hein. Pour ceux qui ne sauraient pas, donc le gang juif, encore une fois. Et alors, ils se font l'écho hein, de la situation de Vincent. Donc là, il faut le mettre au crédit de Rivarol, parce que s'il n'y avait pas Rivarol pour s'en faire l'écho, et dans un autre domaine, démocratie participative, plus aussi, je crois, égalité et réconciliation qui en parle. Bon, bah, quand on enlève ces trois médias, pardonnez s'il y en a d'autres dont je n'ai pas connaissance, mais eh ben, personne n'en parlerait, alors que c'est scandaleux, et que tout le Royaume-Uni en parle. Tout le Royaume-Uni en parle. La presse britannique en parle largement, et les plus grands titres de presse du Royaume-Uni. Hein. Donc c'est tout sauf un sujet tabou au Royaume-Uni, et en France, c'est silence radio, à commencer par, n'est-ce pas, les milieux qui se disent nationalistes, etc., à l'exception de ceux qui en ont parlé. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier. Enfin, quand même, il y a un silence assourdissant, je trouve. Alors, du coup, on pose les questions suivantes. Donc, c'est pour ça, c'est pour vous. Donc, la première lettre a été publiée. Donc, il explique en fait ce qui se passe, comment ça se passe en quotidien en prison. Je vous invite à vous référer au site de Rivarol pour le savoir, à vous inviter à Rivarol, à vous abonner à Rivarol également. Et alors, notre auditeur dit, bah, j'ai écouté l'émission d'hier, et donc j'aimerais avoir la confirmation de plusieurs faits suivants. Premièrement, de l'adresse de Vincent. Deuxièmement, de la possibilité de lui envoyer des colis. Et troisièmement, de la possibilité de mettre de la nourriture dans le colis. Alors, je peux répondre à ce stade pour les deux premiers, pas pour le troisième, mais je ne m'avancerai pas pour la nourriture dans le colis. À ce stade, parce qu'il peut y avoir des normes sanitaires qui font que tel ou tel aliment ne soit pas accepté dans la prison. Je tiendrai à informer nos auditeurs sur ce dernier point, mais je ne veux pas vous faire envoyer un colis avec de la nourriture si en fait ça passe pas quoi. Donc ça, je pourrais pas vous le dire. En revanche, les colis, oui. Donc si vous voulez, alors Vincent a demandé de la lecture, d'accord. Pas la peine de lui envoyer non plus énormément de livres d'un coup, parce que vous savez que le procès aura lieu en février, donc les journées, donc 24 heures, donc évidemment, même si c'est un gros lecteur, hein, je pense que c'est un gros lecteur, n'allez pas lui envoyer 20 livres d'un coup, quoi, c'est sûr, mais non, c'est pas non plus de ne lui envoyer aucun livre. Mais pas la peine de l'écraser, je pense, sous des volumes et des volumes et des volumes, parce que sa situation actuelle est... à l'heure actuelle, transitoire, d'accord. Donc, à vous de trouver le bon équilibre. Donc, je pense que dans les colis, vous pouvez envoyer des livres. Ça pose pas de problème, à mon sens. Donc, voilà. Et l'adresse de Vincent, alors, je la confirme. Donc, vous savez, il y avait un petit impair par rapport au ce qu'on appelle en France le numéro d'écrou. Donc, parce que on a des camarades au Royaume-Uni, des camarades britanniques, je précise, qui sont... qui suivent de près la situation de Vincent, qui sont des sympathisants de la cause nationaliste, bien évidemment, et qui veulent apporter leur soutien moral à Vincent, donc, parce qu'on est dans un combat qui dépasse de très loin le seul cadre français, comme vous le savez. Et il y avait un petit problème, parce que apparemment au Royaume-Uni, on peut écrire par Internet à un prisonnier. On peut lui envoyer un message par Internet, par une messagerie Internet. Mais il faut le bon numéro, et alors... au niveau de l'Internet, ça ne fonctionnait pas. Alors du coup, j'avais dit, je sais pas si le numéro est correct ou quoi. Alors j'ai demandé confirmation, je l'ai eu. Le numéro est bien correct pour le courrier classique. Donc je pense que c'est un petit souci au niveau britannique du système interne de communication des courriels, d'accord, qu'ils ont là-bas. Et donc ça concerne uniquement les Britanniques qui veulent s'adresser aux prisonniers en question. Mais en ce qui concerne le courrier traditionnel, il n'y a aucun problème. L'adresse que j'avais donnée est la bonne. Je vais vous la donner à nouveau, si vous ne l'aviez pas noté. Donc, c'est Monsieur Vincent Raynouard, HMP Édimbourg, alors, j'appelle, HMP, bon, ça se passe de... pas besoin d'appeler. Et Edinburgh, alors ça c'est en anglais, donc c'est E-D-I-N-B-U-R-G-H. Voilà. Scottish Prison Service, donc Scottish, S-C-O-T-T-I-S-H, plus loin, prison, comme une prison en français, service, comme un service en français. Le code postal, E-H-1-1-3-L-N, je répète, E-H-1-1-3-L-N, Édimbourg, là aussi, comme je l'ai appelé la première fois, Scotland, S-C-O-T-L-A-N-D, United Kingdom, donc U-N-I-T-E-D, plus loin, Kingdom, K-I-N-G-D-O-M, et le numéro de cellule, alors vous dites, vous mettez juste le numéro en dessous, c'est 160071, je répète, 160071. Voilà, donc vous pouvez envoyer à cette adresse, en toute confiance, une lettre d'encouragement à Vincent, vous pouvez y adjoindre un livre pour lui faire passer le temps, hein. Pas nécessairement un caractère historique, attention, hein, c'est pas obligé, parce que vous savez, quand vous êtes en prison, vous avez besoin de vous changer l'esprit, et je sais que Vincent est quelqu'un qui n'est pas uniquement focalisé sur le domaine historique, il a suffisamment brassé de littérature historique là-dessus, donc si vous pouvez avoir des titres intéressants, qui changent un peu de l'ordinaire, vous pouvez le faire, bien entendu, je n'ai pas de recommandations particulière à vous faire, vous avez toute liberté en ce domaine, mais n'ayez pas d'idées reçues par rapport à Vincent en vous disant il veut forcément lire un truc sur la Deuxième Guerre mondiale, sur le national-socialisme, etc. En toute franchise, il a lu énormément sur la période, donc il y a de fortes chances que ce que vous puissiez lui envoyer, il le connaisse déjà. Non, vous pouvez complètement sortir des sentiers battus à ce niveau-là. Ça peut être quelque chose de divertissant, ça peut être quelque chose de rafraîchissant. Voilà, donc n'hésitez pas. Mais ça lui permettra de changer l'ordinaire, parce qu'il s'était plaint, effectivement, dans son courrier de prison, que la bibliothèque de la prison n'était pas très intéressante, et donc il y avait assez peu à emprunter. Je vous laisse seul maître de vos choix, mais n'hésitez pas dans l'originalité, hein, en toute réalité, n'hésitez pas du tout, vous pouvez vraiment sortir des sentiers battus. C'est, voilà, si vous avez une idée originale, n'hésitez pas. Alors voilà pour la situation de Vincent, bon, il est en détention, il passe dans les jours prochains une nouvelle audition par rapport à son cas, le procès aura lieu en février, donc le moment difficile, ça va être pour les fêtes, parce que c'est, voilà, Noël, Nouvel An, en tôle, c'est toujours un peu délicat pour les prisonniers, c'est là où on se sent un peu seul, parce qu'on est loin de sa famille, on est loin de ses proches, tout pour Vincent. C'est souvent un peu les moments les plus durs, et donc c'est dans ces moments-là qu'on est content d'avoir de l'encouragement depuis l'extérieur. Donc voilà, n'oubliez pas dans votre courrier de souhaiter à Vincent de bonnes fêtes autant que faire se peut, bon, le contexte est quand même difficile, et le meilleur pour l'année 2023. Faut jamais s'avouer vaincu. Voilà, chers amis, c'est important de faire le point. Si vous avez des questions sur la situation de Vincent, n'hésitez pas à nous les poser. On essaiera d'y répondre de la meilleure façon possible. Voilà, on vous tiendra au courant. Et comme ça, maintenir le lien entre Vincent et ceux qui le suivent, ceux qui suivent son travail, ceux qui veulent aussi tout simplement pas abandonner un camarade dans la situation telle qu'est la sienne. Alors, on va commencer maintenant l'émission, après cette présentation des présentations nécessaires, les rappels nécessaires. Alors, en toute honnêteté, en fait, c'est Derek, hein, qui m'a suggéré ça, et je dois dire que j'ai été assez, je sais pas comment dire ça, pas surpris, hein, j'ai pas été surpris, mais j'ai vu beaucoup de... C'était très français, quoi. Alors, c'est CNews qui nous en parle. Alors, Emmanuel Macron est aux États-Unis, hein. Il a fait une visite, il a été accueilli en grande pompe par Biden, ou ce qu'il en reste. Et alors, bon, voilà, hein, c'est le truc en grande pompe, dîner, machin, on fait semblant d'être cul et chemise, on se renifle le cul, vous avez compris, quoi. Et alors, ben, Macron essaye un petit peu d'épater la galerie. Bon, c'est un peu compliqué, mais enfin, il essaye. Et alors, vous avez, dans sa délégation, il a amené un petit peu des personnages censés être représentatifs de la France du 21e siècle, de la France de 2022. Et dans le lot, il y avait une créature dont Derrick m'a, enfin, que Derrick m'a introduite, mais je ne les connaissais pas, et je suis tout à fait conquis. Hein, voilà. Alors, Emmanuel, alors c'est ces news-là, hein. C'est au premier degré, hein, ces news-là, hein. Ils sont emballés aussi. Hein. Donc, Emmanuel Macron est arrivé aux États-Unis ce mercredi pour sa deuxième visite d'État dans ce pays qui se tient jusqu'à vendredi. Pour l'occasion, le président de la République s'est entouré d'une délégation de prestigieuses personnalités françaises, nous dit ces news. À cet égard, une jeune astrophysicienne de 32 ans, Fatoumata Kebe, a également été invitée. Portrait. Alors là, je vous coupe le portrait parce que ça sert à rien, c'est de la brosse à reluire absolument intolérable, mais j'en viens à la fin pour vous donner quelques éléments de réflexion quand même. Si les qualités de scientifique de Fatoumata Kebe font désormais l'unanimité, alors je ne sais pas chez qui, elle choisit par la suite de relever un autre défi, celui de l'entrepreneuriat. En 2018, elle lance son projet Connected Echo, avec la coopération de femmes au Mali, dont sa famille est originaire. Voilà, le Mali dont les Français viennent de se faire botter le cul. Pour optimiser l'usage de l'eau dans l'irrigation. Il faut au moins être astrophysicien pour gérer la flotte. Alors, pour ce faire, l'entreprise fabrique des systèmes d'irrigation connectés pour le secteur agricole. On appelle ça des tubes. Si jamais vous connaissez pas, si vous connaissez pas la technologie, alors, qui fonctionne. Des tubes avec des vannes qui se ferment avec des panneaux solaires. Ouais, c'est genre la petite pop, ouais, d'accord. Alors, il y a un robinet au bout. Ouais, voilà, alors, qui fonctionne grâce à l'énergie solaire. Alors, elle favorise ainsi la préservation de la ressource en eau et elle permet l'accès à des technologies qui diminuent la charge de travail manuel des exploitants agricoles. Dieu sait que les nègres suent à force de travailler. Moi, j'attends l'évolution, la déclinaison de ces systèmes révolutionnaires avec de produire de l'énergie avec la fermentation de pisse de zébu. Tu vois, c'est. Faire des batteries comme ça, tu peux faire le tour du monde avec de la fiche de début. J'attends qu'ils fassent ça, tu vois. Enfin, d'après les Africains, on peut faire ça. Hein. C'est le territoire de toutes les richesses. Attends. Le projet gagne le prix des jeunes innovateurs de l'Union internationale des télécommunications et elle est nommée par le magazine Vanity Fair comme l'une des Françaises les plus influentes au monde en 2018. Ouais, ouais. Ah oui. Alors, elle est nommée Chevalier de l'Ordre National du Mérite en novembre 2021. Aujourd'hui, Fatoumata Kebe continue d'exercer sa profession et de mener à bien de nombreux projets. Et elle a également écrit 2 livres sur un sujet qui lui est cher, la Lune. Alors, c'est la Lune. Oui, elle a le voile, donc c'est vrai que la Lune... Oui, elle parle le voile, c'est-à-dire qu'elle croit en Allah. Oui, il faut expliquer. Oui, c'est-à-dire qu'elle croit que Mahomet... Oui, c'est une négresse une négresse à lunettes, avec une bouche de négresse, quoi, une espèce de truc... Des babines, on dit des babines. Non, mais... Ouais, je peux pas m'empêcher de rigoler chaque fois je vois c'est oui, bah alors non, mais alors du coup, il faut dire que l'astrophysicienne croit que en fait Mahomet est vraiment l'envoyé d'Allah, je veux dire. Ah bah oui, enfin, en tout cas, je sais pas, elle porte le voile, donc il y a quand même un signe de piété, un signe de un signe agressif de piété, oui. Alors, attends, je continue. Donc, le dit de son livre, parce que je sais que nos auditeurs vont se ruer dessus, « La Lune est un roman. » Ok. Et « Lettre à la Lune ». Elle doit croire que c'est le croissant islamique qui répond quand on... Je sais pas, un truc comme ça. Il y a un truc comme ça. Alors, voilà. Alors, donc, Fatoumata Kebe, oui, donc c'est une négresse musulmane voilée, avec des lunettes. Et alors, je me suis renseigné, quand même. la couverture médiatique depuis 10 ans de cette négresse que je ne connaissais pas. Je sais même pas comment j'ai fait pour pas la connaître, en fait. Parce que les médias français, qui m'aiment pas déjà, mais ils m'attaquaient sans que je m'en rende compte depuis 10 ans. Parce qu'ils essayaient de me la faire découvrir. Et j'étais passé à travers. France 5, mais je ne vous les passe tous, hein, je veux dire France 2, mais ils m'attaquaient, ils me ciblaient. Et je suis passé à travers. Et c'est quand Derrick, qui lui n'était pas passé à travers, m'a fait connaître le génie français de cette astrophysicienne, que là j'ai cherché et j'ai découvert l'extraordinaire couverture médiatique dont elle bénéficie. C'est extraordinaire, hein, c'est fabuleux. Hein, Écoute, moi je l'ai découverte par connexion spirituelle. Donc, oui, mais c'est pas pareil. Toi, t'as des. C'est pas pareil, t'as des mystères. Oui, c'est vrai. Mais toi, en plus, t'es un oint du Seigneur. Et oui, t'es cardinal. Moi, je suis. Comment dirais-je, je m'interroge, tu vois, toi t'es cardinal déjà. Voilà. Donc voilà. Alors Derrick, la délégation de Macron, là, d'après toi, qu'est-ce qu'il essaye de signifier avec sa délégation de personnalités prestigieuses aux États-Unis ? Qu'est-ce qu'il essaye de dire aux Américains avec Fatoumata ? Oh, je pense qu'il essaie d'impressionner les Américains avec ce produit médiatique. Hein, bon. De la méritocratie républicaine, on dit. Oui, voilà. La méritocratie républicaine, ça n'existe pas. Hein, Comment ça a peut-être pu exister, mais ça n'existe plus. On a déjà eu plusieurs fois, dans les domaines, que ce soit privé, même dans les grandes entreprises privées, où on a eu des trucs des courriers au CNRS. On a quand même eu assez de témoignages là-dessus. Oui. Pour voir que dès qu'il y avait du nègre ou du, enfin, en général plutôt du nègre, hein, du nègre ou du maghrébin qui était mis, ou pire de la maghrébine qui était mis en avant, ça sentait l'opération de communication, quoi, hein, oui. Et donc bon, ils ont trouvé effectivement une négresse qui ne réclamait pas la justice à la manière Assa Traoré, c'est-à-dire en voulant prendre des bains de bouche avec du sang de blanc. donc ils ont trouvé quand elle parle, on n'a pas l'impression qu'elle veut tuer des gens. Et ma foi, bon, elle arrive à faire 2-3 trucs. Elle arrive à faire des travaux pratiques, donc elle a dû passer tout ça. Bon, ça a dû être. Elle arrive à changer une ampoule. Alors écoute, oui, non, mais tous ces trucs-là, astrophysiciennes, ça a dû être du travail de groupe dans tous les sens. Et du tutorat à n'en plus finir. Hein, alors avec les professeurs qui ont dû arrêter. Imagine-toi, ils arrivent, oh, miracle, ça fait 25 ans qu'on attendait. Enfin, une négresse qui, voilà, enfin, on l'a, on va pouvoir. Voilà, tiens, voilà, c'est ça. Ils ont un truc qui est à peu près, bon. Alors, c'est vrai que c'est, oui. Ça me rappelle un peu les Soviétiques qui s'étaient lancés dans un grand projet pour faire couler un fleuve en sens inverse. Ah, c'est impossible. T'es en parlant de ça, j'ai vu. Tu connais pas ça? J'ai vu un film soviétique récemment. Ils foutaient un nègre au milieu pour un signe de comment ça s'appelle, un signe de progrès, tu vois. Il y avait un nègre qui étudiait à Moscou, tu vois. Enfin, bon, bref, le nouveau, c'est en fait c'est prometteur. Non, mais bon, il n'était pas trop quand même, mais oui, mais bon, voilà, il était là, c'était quand même, tiens, il vient en Russie parce que voilà, en Russie, le phare de la civilisation, en Russie soviétique, hein. Oui, très bof. Non, ils avaient un vrai projet comme ça qu'ils ont essayé de mener à bien, hein, d'inverser le cours du fleuve. Ouais, tu seras surpris d'apprendre que ça n'a pas marché. Oh. Mais qu'il y a quelques pégus au passage qui ont quand même passé l'arme à gauche dans l'opération. Ouais, c'est un petit peu comme l'assimilation républicaine. Voilà, il y a quelques pégus qui passent l'arme à gauche dans le passage. Oui, mais les grandes réalisations humaines, aussi là, les marges associées, quoi. Ça suppose des... Oui, voilà, bon, il y a un investissement à réaliser, quoi. Voilà, donc, voilà. Enfin bon, moi, je me disais, c'était l'opération de Macron. Alors, tu sais pas trop s'il s'adresse tellement aux Américains ou aux Français, en fait. Là, c'est un peu ambigu. Tu sais pas si je sais pas, je pense que y a un peu des deux, mais oui, voilà, j'ai dit, vous aussi, hein, vous avez vu, ça marche quand vous même. Avez vu, non, oui, mais... bon, vous avez vos noirs, machin, vous arrivez pas, vous êtes encore ouais. Plein de racisme, etc. Alors ouais, que nous, nous, on a des nègres astrophysiciens, bon, tu sais, bon, je veux dire, comme s'ils étaient du pain face, voilà. Les espèces de nègres magiques, c'est eux qui les ont construits. Hein, en gros, c'est le mec qui dit tiens, hey, les gars, regardez, j'ai cru à vos propagandes. C'est stupide quoi d'arriver là en mode je fous mon nègre magique gonflé à la propagande, enfin gonflé par les, par des départements de communication, enfin, truc totalement artificiel. C'est quelque chose qui a été promu par les États-Unis depuis des décennies, donc de faire du hein, de d'endormir les gens avec des nègres magiques, des trucs comme ça. Hein, on a Rokhaya Diallo qui écrit au Washington Times, etc. Bon. Washington Post, c'est le seul journal lisible de Washington. Oui, c'est le seul qui est plus rigolo. Ouais. Mais Washington Post, donc voilà, donc t'es fier, on t'a donné une recette pour faire une tarte à la merde. tu viens chez nous, tu viens avec ta tarte au caca et pour faire le fier. Putain, bon, c'est comme ça que c'est certain qu'il y a des Américains qui ont passé comme ça. Quoi. Bah, quand tu connais les noirs. Pas Biden, parce que bon, Biden, il est. Oui, plus... ou bon, non, ah, il est largué. Oui. Mais bon, les gens qui, enfin, bon, qui sont décisionnaires. Il est parti faire le pingouin là-bas. Mais comment dire, les noirs américains ont un suprême mépris pour les noirs d'Afrique. C'est ce que les gens savent pas. Parce que les Noirs des États-Unis, en fait, tous, à de rares exceptions. Ils sont métissés, à un degré plus ou moins important. Ouais, ils sont mulâtres, en fait. C'est des mulâtres, en fait. Et ils sont mulâtres, je crois, on peut dire aux États-Unis, c'est aux alentours de 20% à peu près de semblants. C'est-à-dire, vous prenez un Noir aux États-Unis, grosso modo, il a à peu près 20% de semblants en moyenne. Alors, c'est pas une science exacte, hein, bien évidemment. Mais, ils ont un vrai regard de mépris pour les autres noirs, hein. Ils ont l'impression d'être les noirs dans tout le monde noir, et on peut pas tellement leur dire que c'est faux. C'est-à-dire que dans tout le monde noir mondial, c'est assez vrai, hein. Bah, ils disent, bah non, nous on est les noirs qui avons le plus réussi. Vous avez carré toutes les grandes figures noires connues dans le monde, elles sont nord-américaines, donc voilà, c'est nous dans le monde noir qui sommes les patrons. Donc ils ont ce regard vis-à-vis des autres noirs qui est très dominateur au fond, quoi. Et tu peux pas tellement leur donner tort, parce qu'en pratique, les seuls noirs qui ont fait quelque chose qui a été relevé ou qui a été notable, je veux dire, c'est des noirs des États-Unis, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Simplement, voilà, ça c'est un effet aussi indirect du fait qu'ils sont en contact d'une grande puissance blanche, enfin, ou de ce qu'il en reste. Mais forcément, comme les États-Unis sont d'une très grande puissance à cause des blancs, forcément les noirs qui s'y trouvent ont bénéficié de l'aura impériale, fatalement. Si les États-Unis n'étaient pas la première puissance du monde, est-ce que les rappeurs américains auraient le rayonnement mondial qu'ils ont? Évidemment pas. Ils n'auraient pas toute la puissance du rayonnement du système de diffusion médiatique américain. Donc c'est aussi évident, quoi. Hein, je veux dire, voilà. Hein, après, bon, un peu comme ça qu'on discutait longtemps, mais voilà. Donc en fait, quand Macron arrive avec ses noirs, alors pour le coup, c'est vrai noir du Mali, parce qu'ils sont pas mélangés, contrairement aux noirs des Antilles, mais les noirs d'Afrique qu'on a en France sont pas mélangés. Et d'ailleurs, ça se passe pas très bien avec les noirs des Antilles, parce qu'en fait, les noirs des Antilles ont le même regard sur les noirs d'Afrique que les noirs des États-Unis sur les noirs d'Afrique. Bah, c'est-à-dire qu'à un moment donné, dans le commerce triangulaire, il y a des parties, donc il y a des gens qui achètent, Il y a des gens qui vendent, quoi. Bah, le problème des Noirs des Antilles, c'est qu'ils sont, ils ont du sang d'esclaves et du sang d'esclavagistes. Donc, c'est un petit peu. Oui, compliqué. Pareil pour les Américains. Les Antilles, c'est encore plus marqué. Voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Alors, bon, voilà. Alors, ils font semblant de s'aimer, mais non, ils s'aiment pas du tout. Même aux Antilles, hein, tout le monde le sait. Enfin, c'est ce secret de Polichinelle, mais les Blancs de métropole le savent pas, mais aux Antilles, il y a une hiérarchie raciale. Il y a des teintes. C'est vrai aussi au Brésil. Des teintes de peau, parce qu'ils évaluent ça sur la base de la teinte de peau, même si c'est une science très inexacte. Et alors, en fait, plus t'es un noir, entre guillemets, clair, plus t'es haut dans la hiérarchie raciale. Donc c'est ça qui est complètement schizophrénique chez ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils appliquent aux noirs, donc les mulâtres appliquent aux noirs, une grille de lecture complètement raciale qui est déterminée par le blanc, et plus tu es proche du blanc, plus tu es haut dans la hiérarchie. Et ça, en fait, c'est une donnée objective. C'est parce que plus tu es blanc, plus tu es intelligent. Et ils vont pas oser le dire face à des blancs, mais entre eux, ils sont impitoyables. Entre eux, ils sont impitoyables. Et les Noirs d'Afrique le savent. Parce que les autres ne se privent pas de leur faire savoir. Donc voilà. Donc, forcément. Donc, vous avez bien pourquoi je parlais de tout ça. Bah, en fait, c'est quand Macron déboule avec sa malienne en Amérique. Bon, bah, déjà, des Noirs, ils en ont quand même vu quelques-uns aux États-Unis. Donc Macron a l'impression d'épater sa galerie, mais non. Et ensuite, c'est de la négresse d'Afrique. Alors les autres, ils sont encore plus refroidis, quoi. Je veux dire, ouais, non, on s'en fout, quoi. Tu vois, voilà. Et Rokhaya Diallo, ça, c'est juste, en fait, c'est le Parti démocrate américain, Obama, le Département d'État, qui contrôle le Parti démocrate, qui s'est servi de gens comme Rokhaya Diallo pour essayer de servir de relais d'influence. Hein. Ça a été décidé dans les années 2000. Il y a eu des télégrammes de la ce qu'il y avait eu les Wikileaks d'ailleurs, hein, d'Assange, qui avait permis de publier des câbles de la légation américaine à Paris, qui expliquait très bien que c'était une stratégie voulue d'influence. Parce qu'il s'était rendu compte avec la guerre d'Irak, déclaré, alors par Bush nominalement, mais c'était les Juifs. Hein. Je me rappelle le Canal Plus qui disait que c'était les protestants blancs américains qui déclaraient la guerre aux musulmans. Oui, bien sûr. Bon. Et alors, ils s'étaient dit bon, on a fait la guerre, mais maintenant il faut absolument le service après-vente, quoi. Et donc ils ont mis Obama, mais ils ont développé toute une stratégie. Ils disaient, on a besoin de gens dans tous les pays du monde, en fait. Mais en France, il faut qu'on passe par des minorités raciales pour porter la bonne parole, quoi. Et ils ont comme ça fait un tri. Et ils sont arrêtés sur quelques figures comme ça. Et Rokhaya Diallo fait partie du lot. Donc Rokhaya Diallo, c'est l'ambassade des États-Unis, c'est la CIA, c'est le Parti démocrate, c'est les réseaux Obama, etc. Donc elle est voilà. Enfin, c'est faut complètement. C'est la négresse de maison au cube. Voilà, hein, ni plus ni moins. Et sa passion à Rokhaya Diallo, c'est d'aller dans des défilés de mode. Hein. Donc bon, si vous voulez, on a vu mieux comme Révolution en Marche, quoi. Voilà. Bon, bref. Voilà, quoi. Hein, voilà. Et sinon, Assa Traoré aussi sponsoring, un gros sponsoring. Elle a été sur la couverture du Time, je pense. Bah oui. Ouais. Alors que, enfin, c'est carrément des gangsters, quoi. Hein, je veux dire, le gang Traoré, c'est un vrai gang, quoi. Oui, non, mais c'est vrai, cette créature-là a eu. Enfin, a eu un écho. Et un écho, hein, médiatique. Qu'elle soit invitée sur des plateaux télé en France et poussée même à l'étranger par les États-Unis, enfin, si vous faut pas une, enfin, le genre de, si c'est pas un complot, excusez-moi, mais bon, hein, voilà, hein, s'il y a pas une volonté agressive, hostile de la part de certaines puissances et de certaines personnes qui appartiennent à des groupes bien particuliers, de nous causer du tort. Quand je dis du tort, c'est pour être... oui. C'est un euphémisme. Bon, je sais pas. Hein, c'est de hasard, peut-être. Oui, c'est une coïncidence. Est avec nous aussi Hydromel qui nous a rejoint. Salut Hydromel. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Oui, désolé du retard, hein. Petit souci avec mon ordinateur. Moi, je pensais qu'avec Rachel Keke, on avait touché le top. Bon, bah là, c'est pas mal. Comment dire, astrophysicienne. Ah bah là c'est les étoiles, hein. Là, c'est les étoiles, hein, du coup. Astrophysicienne, ouais, là, c'est les étoiles. C'est... Là. On va paraphraser Dieudonné, au-dessus c'est le soleil, là on est au cœur de la galaxie. Bon, t'as cité pas mal de femmes noires, et effectivement... Alors, femmes noires, ça c'est un concept que je ne connais pas. Non, je connais pas. Mammifères, ouais, mammifères négroïdes, je connais, mais... femmes noires, je connais. Ouais, donc avec Iseult, Assa Traoré... Qui s'est mis nu sur son lit blanc. Donc on est servi en la matière. Je crois que le premier quinquennat c'était Macron avec les hommes noirs, mais là le deuxième quinquennat c'est Macron avec les femmes noires. Ouais, on gagne en hétérosexualité ce qu'on perd en élégance, quoi. Disons ça. Alors faut quand même expliquer pour nos auditeurs qui n'auraient pas forcément tout suivi parce que on peut pas tout suivre. Et c'est un peu notre boulot de faire de la synthèse, mais vous savez qu'en France on parle français. Enfin on essaye, hein, vaguement. Ça devient difficile, mais on essaye. Alors, il y a un truc qui s'appelle la francophonie, chers auditeurs. Alors là, vous dites, c'est quoi ça? La francophonie, c'est tous les pays qui parlent le français, théoriquement. Là, vous commencez à vous inquiéter, vous avez raison. Vous prenez une carte, vous regardez la francophonie, ça tire vers le bas, hein, plus que vers le haut, hein, quand même. Là. Hein. Bon, alors vous savez que dans l'émission, j'en ai souvent parlé, il y a deux francophonies. Hein. Il y a la francophonie positive et la francophonie négative. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, la francophonie négative, qu'est-ce que c'est? C'est les nègres. Ok, c'est très... C'est... Non, en fait, c'est l'Afrique, en fait. C'est... Voilà, c'est tout ce qu'il y a... Bon, ça devient compliqué, la géographie avec la France. Ça devient compliqué, parce qu'avec la composition raciale, si vous voulez, même à Lille, c'est compliqué. Mais bon... la francophonie, c'est les pays qui parlent français. Alors, il faut savoir qu'en Afrique, contrairement à tout ce qu'on entend, où on vous dit, ah ouais, mais c'est les pays qui parlent français, attention, hein, c'est pas tous les pays, d'Afrique ne parlent pas français. D'accord? Je crois que le pays qui parle le plus français réellement au quotidien, c'est le Gabon. Et on est sur des niveaux de pratique qui sont, qui restent minoritaires dans le pays, en définitive. Hein. Donc, il faut quand même comprendre que c'est quand même les dialectes locaux qui importent beaucoup au quotidien. Alors, la langue de l'État, ça va être le français, ça va être la langue de l'administration, mais n'allez pas vous imaginer que toute l'Afrique de l'Ouest parle un parfait français. Hein. Je veux dire, il y a beaucoup de dialectes, etc. Et même en Algérie, là, ils veulent se débarrasser du français, me semble-t-il. Enfin, ils ont essayé à plusieurs reprises, bon, je ne sais pas si ça marche ou pas. Mais même eux, en fait, c'est un sabir de mélange d'arabe, de dialecte berbère, quelques mots de français. Enfin, c'est pas très évident. Et on les classe quand même dans la francophonie. Et il y a des pays qu'on classe arbitrairement dans la francophonie alors qu'ils parlent pas un mot de français, comme le Vietnam, etc. Alors que c'est complètement bidon. Hein, je veux dire, y a personne parle français au Vietnam. Hein, je veux dire, ça, voilà. Donc Macron a choisi la représentante de sa francophonie cette année. Et c'est donc Iseult. Qu'est-ce qu'a fait Iseult au monde? Je parle de la Bretonne, Iseult. Hein, je ne parle pas de ce qui a volé son nom. Accaparation culturelle absolument inacceptable. Puisqu'en fait, un boudin noir de 200 kilos se fait appeler Iseult et essaye de chanter depuis maintenant une grosse décennie, sans succès. Et elle a fui en Belgique parce qu'elle en a marre du racisme. Et on l'a vu au fait de la victoire de la musique, parce qu'elle a exposé son obésité morbide aux yeux du public, et qu'apparemment c'est courageux. Et ça vient directement des États-Unis. Hein. Je veux dire, les négresses qui assument totalement d'être des baleines d'appartement, ça vient des États-Unis, quoi. Elle dit, voilà, non, mais je suis fier de mon corps et tout, voilà. Donc en fait, tu revendiques d'être un boudin, quoi. Et alors, Iseult a importé ça. Donc en fait, c'est l'américano-négrification des goûts en France. Et elle est devenue célèbre comme ça. Et c'est cette baleine noire que Macron a faite représentante de la francophonie. Voilà. Et qu'est-ce qu'elle a fait tout de suite après avoir été désignée? Elle s'est foutue à poil. Elle a montré ses énormes fesses, ses énormes bourrelets. Mais c'est même plus des bourrelets. Enfin, c'est un océan de graisse. Sur un lit blanc. Et elle a monté, elle a montré en fait sa laideur de Vénus autantote, et c'était catastrophique. Et elle s'est fait, Twitter l'a jarté de la plateforme pendant au moins 48 heures, parce qu'en fait, Twitter, l'algorithme a cru que c'était une agression, en fait. Donc ils l'ont dégagé. Elle a dit, non, c'est moi, je représente la France. Ah ok, c'est bon, on remet. Alors ils ont pas tout remis quand même parce qu'il y avait des trucs, c'était trop, mais voilà. Donc faut bien voir que sous Macron, on est dans un effort conscient, soutenu et institutionnel de turbo-négrification du pays. Il faut quand même avoir conscience de ça. Hein. C'est-à-dire que c'est un pays de nègres. Au sens institutionnel, Macron veut faire en sorte que quand on regarde la France, quand on passe par ses institutions, on voit des nègres. C'est son truc, quoi. Voilà. Et obèses de préférence. Ou musulmanes, les deux étant un plus, quoi. Sinon, vite fait, en passant, avant d'enchaîner, la Coupe du Monde, là, avec la sélection française, là, très très marron, très très noir aussi. Une petite réaction, éventuellement? Non. Oui, moi j'ai vu la composition là pour le match de tout à l'heure. Apparemment, il y aura quand même 4 ou 5 blancs. 4 ou 5 blancs sur 11 sur la feuille de départ, ce qui est quand même mieux que l'équipe B qui a joué contre qui ils ont joué le troisième match. La Tunisie, c'est ça? La Tunisie, ouais. Voilà. Là, c'était quand même il y avait très peu de blancs. Donc il y avait qu'un blanc, oui. Hein. Un blanc, ouais. Et la France a perdu. Enfin la France, le grand babouin, l'équipe du grand babouina a perdu. Donc on va dire que Deschamps fait des efforts pour faire une mixité, on va dire, parce que sinon c'est... Voilà. Ouais, sinon il n'y aurait plus de blanc du tout. Griezmann, est-ce qu'on peut classer Griezmann comme blanc? Bah, je crois qu'il est germano-portugais. Bah quand même... Oui, du coup je réitère ma question, est-ce qu'on peut le considérer comme un blanc? Ah, oui, je vois. Bah écoute, voilà, mais bon. il a quand même les yeux clairs, les cheveux clairs, bon. Oui, je parle plus au niveau du cerveau. Après, portugais, c'est plus au niveau du cerveau parce qu'il c'est quand même un très gros nègre mental. Je veux dire, oui. Non, mais c'est effrayant. Hein, je veux dire, il est con comme ses pieds, quoi. On se souvient, il s'était déguisé en basketteur africain. Ça avait fait la polémique d'ailleurs. Ouais, c'était les Harlem Globetrotters, quoi. Et il croyait que c'était malin. Et il s'est pris un gros backlash dans la tête, on lui a dit, espèce d'enculé, tu t'accapares notre culture. C'est du blackface, tu nous opprimes. Et en fait, lui, c'était juste un nègre mental qui est, mais non, mais je pensais vous faire plaisir. j'adopte vos codes culturels, j'essaye de vous parler, vous m'aimez pas? Non, t'aimes pas, sale blanc, quoi. Et il s'était excusé, je me rappelle de ça. Donc, ouais, voilà. Je crois qu'il met en avant le combat pro-LGBT, hein. Il est un peu dans la défense des minorités de ce plan. Ouais, là, je pense que c'est surtout des accords de com avec des managers, des trucs comme ça, je pense. Mais... C'est moins bien que Lloris. Lloris, au moins, quand on lui dit, est-ce que vous allez porter un brassard arc-en-ciel? Lui, il dit, bah non, écoutez, on va dans un pays, on respecte la culture dans laquelle on va. C'est comme si, des étrangers qui viennent chez vous, vous avez envie qu'ils respectent votre culture. Il a quand même sorti ça, Lloris, hein, c'est quand même pas mal. Bah ça, je comprends. Je veux dire, ça, je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire que, bon, déjà, moi, je veux pas de trucs tricolores LGBT, je sais pas quoi, là, pédophile, homosexuel, déjà, j'en veux pas. Mais déjà, c'est une question de principe. Tu vas dans un pays musulman, ils te disent, voilà, nous, les trucs homosexuels, on veut pas. Bah, si tu vas dans un... C'est-à-dire, si tu prends la décision d'aller dans un pays musulman, tu te conformes à la... aux valeurs culturelles du pays musulman en question. T'as pas à contester. C'est quoi d'ailleurs, c'est en France, hein, je crois qu'il y avait un joueur du PSG, je sais pas si c'est cette année ou l'année dernière, un Sénégalais, un noir d'Afrique, qui se faisait porter pâle dès qu'il y avait ces trucs-là de devoir porter... maillot, donc tu avais tout. Ah, j'ai mal aux dents, bah, j'ai mal aux dents. Ouais, j'ai mal aux dents, il pouvait pas jouer. Ah, je suis pas là. Ouais, il s'est fait brancher là-dessus, ouais. Et le président, je crois que c'est Macky Sall, hein, me semble-t-il, hein, qui. C'est pas le président. Il l'avait félicité, je crois, non? Ah, carrément, il a dit non, il a la nation sénégalaise, c'est derrière lui, on est un pays musulman. Bah, ouais, c'était. C'est nos valeurs et tout. Et les Français ont dû baisser. Ah, si tu veux, fermer leur gueule, hein. Ils ont dû fermer leur gueule, bien sûr, mais il y a quand même le vent, il y a quand même des qualités, chez les Noirs, on va en parler d'ailleurs. Mon grand ami Martin Sempa, tout à fait. Alors que bon, là, c'est vrai que je regarde pas du tout le football, hein, je regarde aucun match, hein, ça me désintéresse total. Par contre, je vois que les les blancs qui vont là-bas sont très préoccupés par l'anus, quoi. C'est oui, vraiment, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Il y a vraiment le centre d'intérêt de l'Europe. C'est l'anus. Hein. C'est l'anus. L'anus. Bah, les Allemands l'ont payé assez cher. Hein. Ils ont fait des sorties un peu pour dénoncer justement la dictature au Qatar. Non, ils ont fait plus que ça. Ils ont carrément repeint leur avion. Alors pas aux couleurs anales, pas aux couleurs anales, mais ils ont la diversité, c'est notre forme. Mais sous-entendu, c'était l'homosexualité, quoi. Donc les mecs arrivent dans un avion PD. Salut, c'est nous. Ils se sont mis la bouche, non, ils se sont mis la main devant la bouche, genre on proteste parce qu'on veut nous faire taire. L'équipe du Japon les a renvoyés à la maison, je veux dire. Voilà, il y a une justice immanente, je crois. Non, mais je veux dire, le Japon, quoi. Je veux dire, bon, les Japonais, ils ont plié les Espagnols et les Allemands. Alors, les mecs en diront ce qu'ils voudront en performance sportive, en disant oui, non, mais d'accord, enfin. Au final, faut quand même mettre des buts dans la cage d'en face. Les autres, ils ont rien planté. Les Allemands, bah, au revoir, quoi. Et bon, donc en fait, ils sont venus parler des PD, ils sont rentrés chez eux. En résumé, c'est ça la Coupe du Monde de 2022 pour les Allemands, quoi. Bon, c'est ça une grande nation de foot. Bah, écoute, je pense pas que, si tu veux, je pense pas que le fait de se prendre des trucs dans l'oignon soit très bon pour le cardio. Pour le cardio, en tout cas pour le fait de courir, tu vois, enfin, d'avoir une bonne condition physique. Je pense que l'Association internationale des gastro-entérologues ne doit pas recommander ces pratiques-là. Tu vois, je comprends. Non, mais t'imagines la nation d'Adolf Hitler qui en termine là, je veux dire, au bout de 80 ans, bah, c'est une catastrophe, quoi. Voilà, les musulmans, ils se frottent les yeux. Je veux dire, enfin, d'ailleurs, tout ça, c'était un commentaire, même sportif en général, ils ont dit, ça ressemble à rien. Et en fait, vous remarquerez que c'était une équipe multiraciale, l'équipe d'Allemagne. Hein. Pendant très longtemps, qui restait une équipe très homogène. Ils ont fait un effort depuis une dizaine d'années pour la diversifier racialement. C'est une catastrophe. Hein. Le niveau de l'équipe nationale allemande s'est complètement effondré. Hein. Je veux dire, ils n'arrivent plus à rien dans les compétitions internationales. Hein. Il n'y a rien à faire. Hein. Donc bon, voilà. Hein. Donc voilà. Et ils se sont fait sortir par le Japon. Excusez-moi, mais le niveau national du Japon, c'est même pas la Ligue 2 de d'Allemagne. Bon, ouais, je sais pas, hein, au bout d'un moment, il faut quand même se poser deux, trois questions. Bah, ils ont préféré parler d'anus, de travelot, de queer, de... Voilà, bon, bah, ils se sont fait renvoyer à la baraque. Alors, bon, ben, Giroud a eu un peu plus de flair. Encore que je crois pas que ce soit pas du tout parce qu'il soit très distant de ça, hein, je crois pas. Simplement, il s'est dit, bon, là, c'est terrain miné, là, je préfère rester neutre. Puis on a quand même beaucoup, beaucoup de musulmans en France aussi, hein, ça peut jouer. Voilà. Je pense même dans l'équipe de France. Mais bon, même dans l'équipe. Non, mais voilà, c'était pas possible. Oui. De toute façon, je pense qu'ils auraient dit non, il faut. Je pense que, en fait, les musulmans de leur équipe de France ont dit non, on joue pas. Je crois qu'ils ont dit on joue pas. Vous allez vous faire foutre, on joue pas, quoi. Et voilà, et donc, non, mais c'est tout. Et bah, pour le coup, c'est bien. Pour le coup, c'est bien. C'est voilà. Qu'ils arrêtent, parce que c'est du harcèlement sexuel. C'est du harcèlement sexuel. C'est-à-dire que la France en est à un tel point que ce sont les Noirs qui veulent sauver les petits enfants blancs pour qu'ils n'aient pas leur anus détruit par des gauchistes. Hein. Bah ouais. Ouais. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, la France en est à un tel niveau qu'en fait, c'est l'islam qui remonte le niveau. Donc, t'en fais ce que tu veux. L'islam nègre en plus. Hein, oui, l'islam nègre. Donc voilà, t'en fais ce que tu veux, hein, voilà, t'en fais ce que tu veux, mais oui, voilà. Parce que si c'était que les Blancs, ils seraient tous, là, c'est, on est tous des Oui, parce pédés. Que, le... ouais, et puis en fait, oui, parce que l'islam maghrébin, les Maghrébins et l'homosexualité, c'est un petit peu compliqué. Ça a l'air compliqué. Il y a des définitions un petit peu larges de l'hétérosexualité chez ces gens. Mmh. C'est une question de position, en fait. Voilà, c'est une question d'orientation. Oui, par rapport à la mec. Non, mais ça, bon, bref. Donc voilà, donc vous êtes pas en... Bon, voilà, bon, la performance de l'équipe de France. Je sais pas, je les ai même pas vus jouer. Avec tous leurs nègres, le pognon qui me là-dedans, je pense qu'ils arrivent quand même à taper dans des ballons, mais. Bah, je crois que quand il y a un manque d'homogénéité dans une équipe, ça se ressent en fait. Il y a comme des conflits sous-jacents qui n'apparaissent pas, mais on les devine parce que bon, faire cohabiter des musulmans, des noirs, des blancs, chrétiens. Par exemple, l'équipe d'Argentine, de ce point de vue-là, même si je sais pas trop comment est composée l'Argentine racialement, mais il montre quand même une certaine homogénéité. Ils sont tous, on voit un esprit de groupe qui est festif, joyeux, beaucoup plus sain en fait. Donc, c'est la mauvaise ambiance que tu ressens dans tous les endroits publics en France en fait. C'est-à-dire que là, dès que tu as des Maghrébins quelque part, comme les Maghrébins sont très agressifs, singulièrement les Algériens, le malaise est partout présent. C'est ça qui se passe en France. Le malaise ambiant, il est dû aux Algériens. Qui sont très agressifs, qui ont une... Moi, je serais algérien, je le dirais sans aucune honte. Quoi. Je dirais, non, mais il y a un problème avec la mentalité algérienne. On a un problème, on est constamment dans le rapport de force, dans l'agressivité. Dès qu'on arrive quelque part, on veut tout de suite dominer tout le monde. On va au conflit sans arrêt. C'est ça qui crée cette ambiance de merde, en fait. Quand tu mets que des Noirs, et c'est ce qu'a voulu faire Deschamps, quand tu mets que des Noirs, les Noirs, ils filent doux, en fait. Le Blanc, il dit, on fait ça, le Noir, il obéit. Mais si tu mets des Maghrébins en équation, le Noir, il obéit aux Maghrébins. Et Deschamps, il le savait. C'est vrai qu'il n'était pas très chaud d'avoir Benzema en sélection nationale. Parce qu'il savait que Benzema allait être le vrai patron de l'équipe. Parce qu'il allait, on fait ça, et les Noirs allaient se coucher. Ils allaient dire, d'accord, on fait ça. Et alors, je crois qu'il a déclaré forfait, je crois. J'ai pas trop suivi, mais j'ai vu ça. Et alors, j'ai vu dans la presse... Alors, va savoir ce que c'est. Est-ce que c'est des bruits de couloir? Est-ce que c'est les journalistes qui montent un truc pour essayer de se venger ou quoi? Tu sais jamais trop. Parce que tout ce qui concerne l'équipe de France, c'est toujours très opaque, en fait. Il y a beaucoup de règlements de compte internes. C'est toujours très... Et il disait, voilà, depuis que Benzema s'est tiré, l'ambiance est plus décontractée. C'est-à-dire que c'est moins tendu. Mais ça me paraît pas du tout invraisemblable, parce que les Algériens vont au rapport de force constamment. Ils veulent être les patrons. C'est un fait, hein. Les Algériens veulent constamment dominer. Voilà. C'est pas un reproche de vouloir dominer, mais eux, ils le font constamment en étant très agressifs, très hostiles. Donc, en fait, dès que tu mets des Algériens quelque part, l'ambiance, elle devient complètement pourrie. Bah, les seuls pays qui sifflent les hymnes nationaux des adversaires, c'est souvent les Maghrébins. Ouais, c'est une mentalité, quoi. C'est une mentalité, quoi. Voilà. Donc, ces mecs-là, en fait, t'as pas tellement envie de passer. Du temps avec eux, quoi. Voilà, donc bon, je sais pas s'il y a des Algériens qui sont vraiment lucides là-dessus, s'ils réalisent ou pas. Je crois qu'ils envoient en plus les pires. Je pense qu'en Algérie, c'est pas génial, mais j'ai l'impression en plus que vraiment ils ont envoyé les pires à l'étranger. Donc à la limite, si tu veux, les Algériens d'Algérie sont plus vivables que les de l'extérieur. j'ai l'impression que c'est ça, quoi. Bon, bref, c'est une discussion, mais. Mais voilà, quoi. Mais bon, l'équipe de France, c'est une catastrophe. Je sais pas une équipe de quoi c'est, mais c'est pas une équipe de France. Enfin, c'est pas des Français. Peut-être qu'avec un Mbappé un peu surpuissant par rapport au reste, on va franchir les étapes et aller loin. Mais quand tu dis on, tu parles du il, tu veux dire. Non, il s'identifie, hein. Lui, c'est un vrai patriote. Ah ouais. Non, c'est pas ça. C'est que moi, j'aime le foot. Bon, voilà. Ah voilà, il a vendu la mèche. Il a vendu la mèche. Ah, ça y est. Ah, excuse-moi. L'arrestation arrive dans 15 minutes. Très bien. Henry Schimmler arrive. Hein, ah ouais, non, mais voilà, tu vois, il a son petit cœur tricolore, il est dans la voiture. Là, tu sais, si l'Argentine... Non, quand même pas jusque-là. On si, se sent si, manger, si, quand même. Là, donc, si l'Argentine gagne, j'en serais très content, parce que, voilà. On va te mettre sous surveillance, hein, quand même, un petit peu. Hein, hein, on va faire ça, quand même, hydromel. Pas de soucis. Mais voilà, bon, je joue. Bon, en passant comme ça sur la Coupe du Monde, j'ai pas regardé la Coupe du Monde, j'ai pas vu les matchs. J'ai vu un but du Japon, là, contre l'Espagne. Droit au but, très beau but, hein. Frappe franche, là. Ouf. Là, c'était très beau, j'ai apprécié. Mais en dehors de ça, j'ai pas du tout suivi. Je sais pas quelle équipe mérite d'être suivie, je sais pas si ça vaut le coup, je regarde pas, j'en ai rien à foutre, ça tient. Je pense que le Qatar a été un très mauvais choix. Pas du tout, parce que c'est un pays musulman, là, j'ai pas une obsession là-dessus, mais c'est pas un pays de foot, l'ambiance est à chier, et surtout, ça contribue aussi, et c'est pour m'en plaindre, c'est qu'en plus, la presse occidentale a fait un tel raffut sur les trucs homosexuels, que ça, t'as même pas envie de suivre, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que, en fait, la discussion tourne autour des anus, et tu dis, non, c'est bien, bon, j'arrête, moi, je m'en fous. Il y a un mec, là, qui est, c'est le golem, quoi, qui est rentré sur, pendant le match, oui. Dire, ouais. Avec un t-shirt, libérer l'Ukraine, un truc comme ça. De l'autre côté, il est marqué soutien aux femmes ukrainiennes, et il avait un drapeau pour les PD aussi. Non, ça pas soutien aux femmes iraniennes plutôt. Ouais, iranienne, pardon. Iranienne. Ouais, iranienne. Soutien aux femmes iraniennes. C'est bien compliqué. Il avait pas marqué 4 fois vacciné peut-être aussi, non? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Putain, il aurait quand même pu mettre un truc, faites votre dose de rappel, tu vois. Ça aurait été quand même, voilà. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui, voilà, il aurait pu inciter des gens à se vacciner. Ça, voilà, il faut se vacciner, n'est-ce pas? Hein, on va devoir porter le masque bientôt, hein, d'ailleurs. Ouais, putain, ça craint. Bon, Coupe du Monde, voilà. Enfin, la France, c'est très très nègre, hein. C'est très très nègre. Ah non, mais là, Deschamps a fait très fort face à l'équipe de Tunisie où la Tunisie était clairement plus blanche que la France. Ouais. Bah oui, amical salut à nos amis tunisiens qui ont représenté l'arianité face au péril nègre. Et en fait, le Brésil est plus blanc que la France. Alors, imaginez qu'Adolf Hitler aurait jamais cru ça possible. Normalement, ça doit réveiller, tu dois avoir des lumières rouges qui clignotent, qui se mettent partout. Pas en France, non, ça va, non, c'est bien. C'est très bien, tout va bien. Non, mais ça craint. C'est-à-dire qu'en fait, l'équipe de France, c'est une équipe de la NBA, en fait. C'est, Oh non, je pense que ouais, les Noirs américains sont quand même un peu métissés. Que nous, on a des trucs, les noms des machins là. Ah oui, ouais, non, c'est l'Afrique. Oh là là là là là là là. Oh là là là là. Ah ouais. Je serais pas te dire, mais tu vois le truc, rien que le nom, tu sais que tu sors du, tu sais que t'es sorti de l'humanité quoi. Tu es vraiment ailleurs. Même 1940, on y va. Ben on est dans les bon, c'est presque des noms en latin d'espèces quoi, je sais pas, hein, c'est les noms de, je dirais, des noms savants. Non mais ça, ouais, t'as raison, hein, je veux dire, ça craint. Non mais les Français s'en surjouent plus quoi. Et tu veux même le Mamadou Traoré, on le regrette un peu. Ouais, si tu veux, c'était bien, on avait des Traoré aussi, on s'est bonné sur Traoré, bon voilà, ça nous parle, tu vois. Mais là c'est des trucs, des Kamavinga ou des machins. Des trucs de fou quoi. Et puis avec des têtes de mangeurs d'hommes quoi, de mangeurs de chair quoi. C'est waouh. Oh putain, bordel de Dieu. Eh, je prends n'importe quel contrat, hein, animation sportive là, football en direct là, moi je fais des lives si vous voulez, hein, j'y connais rien en foot. Mais je fais monter la température très vite dans la salle moi. Voilà. Bon les gars, et si jamais par exemple Giroud qui explose le record de buts en équipe de France, ce serait pas une source ce serait pas une source de satisfaction pour démontrer que Benzema on peut gagner sans lui, ou ce serait quand il est blanc quand même. Sans lui, donc bon. C'est vrai que bon, non, mais là si tu veux, ce serait une confirmation, ça permettrait de leur fermer le clapet encore plus longtemps, parce qu'il y a quand même sur les réseaux sociaux énormément de racisme anti-blanc, anti-Giroud. Uniquement parce qu'il est blanc. Enfin bon, il y a deux choses en fait, je pense, qui énervent. Déjà, il n'est pas à sa place, Giroud. Il est dans une équipe qui est une équipe de nègres. Qu'est-ce qu'il fout là? Et en plus, il met en avance sa chrétienté au milieu des musulmans. Oui, en fait, c'est ça qui, je pense, qui énerve les musulmans plus en fait que vraiment sa race. Parce que sa race, c'est un petit peu en mode bolos. Mais je pense que c'est plus le fait qu'ils mettent en avant son appartenance chrétienne, effectivement. Les musulmans, ils aiment pas trop ça. Parce que pour eux, ils sont en terrain conquis, quoi. Je veux dire, pour eux, l'équipe de France, c'est un truc musulman, quoi. Ou noir. Voilà, ils tolèrent qu'il y ait des noirs qui soient là, qui sont pas musulmans. Mais ils disent, oui, bon, voilà, ils sont pas musulmans. Bah là, ils attendent une chose, c'est que Zidane prenne la suite de Deschamps. Il va prendre, parce que Macron a déjà négocié le truc, c'est déjà entendu. Ça, c'est des accords avec le gouvernement algérien. C'est la mafia. Donc la fin de carrière de Benzema aura quand même un goût amer, parce qu'il n'aura pas atteint son objectif, et dans 4 ans, forcément, il sera plus là. Mon pauvre ami Benzema, c'est le futur sélectionneur français. Si tu l'as pas compris, je te mets au jus. Oula, Benzema au secours. Non, quand même pas. Si, si, tu vas voir, il va. Tu vas voir, il va Benzema sélectionneur. Oh, je pense pas qu'il en ait, je pense pas qu'il ait l'envie de faire ça. Ils vont lui dire, écoute, il faut passer par une école, faut le truc, machin, etc. Mais tu veux. En fait, vous allez vous dire, ouais, mais pourquoi il a pas le. C'est tout ça, c'est des trucs d'accompagnement, si vous voulez, culturel. Des masses, parce que le football, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup plus important que tout le cirque politique qu'on entend pour encadrer les masses aujourd'hui en France. Personne ne connaît les partis politiques, leurs idées, tout le monde s'en fout, je veux dire. En revanche, le football, tout le monde connaît les joueurs, enfin tout le monde, je parle des jeunes surtout, ils connaissent les joueurs, ils ont des équipes préférées, etc. Quand vous tenez le foot, vous tenez une part importante des masses. Donc c'est stratégique le football. Donc quand vous faites, c'est comme quand vous foutez Obama à la Maison Blanche, c'est exactement du même niveau. Quand vous allez mettre le sélectionneur à la tête de l'équipe de France, vous faites en fait, vous avez le système a un calcul politique et il travaille ça très longtemps à l'avance, très très longtemps à l'avance. Zidane, il est sur les rails, c'est entendu, ce sera le prochain sélectionneur. Point barre. Ça va être, ils vont nous la refaire en mode. Si vous voulez, 1998, la victoire de la Coupe du Monde. Ils vont dire, voilà, il a gagné quand il était sur le terrain, maintenant il va gagner sur le banc du sélectionneur. Vous allez voir, tout le monde va avoir des étoiles dans les yeux, les mecs vont là, oh, ça va être génial, la magie 98, vous avez tous les mecs qui ont vécu l'époque, ils vont triper là-dedans, ce sera que des blancs. Les Algériens, enfin, surtout les Algériens, ils vont être à fond derrière l'équipe parce que l'entraîneur, il est Algérien, ils vont être à bloc derrière ça. Vous voyez, c'est des vrais calculs d'organisation des masses, de mobilisation des masses. L'État français le sait parfaitement, tout ce que je vous dis là. Donc c'est devenu trop stratégique dans une France très fragmentée pour ne plus en fait laisser simplement les calculs sportifs déterminer qui doit être le prochain sélectionneur. Ça c'est le passé, ça. Ça c'est complètement le passé, c'est fini ça. Maintenant il faut des mecs qui ont le bon blaze racial, le bon blaze religieux, qui soient pas non plus des cons au niveau footballistique. Faut pas que le mec soit une chèvre, ils savent pas de quoi il parle. Mais ils sont mis en orbite progressivement et toute la machine est derrière. Et c'est tout à fait le cas de Zidane, d'ailleurs, qui a travaillé de très près ses réseaux aussi avec les pétromonarchies, si vous suivez ça avec son passage en Espagne. Bon, voilà, enfin, ça vient de très très loin, quoi. Il n'y a rien à faire. C'est pas fait par hasard. C'est pas du tout fait par hasard. Ouais. Bon, on va expliquer ça aux gens, parce que, je veux dire, puis les gens, ils ferment les yeux aussi, quoi. Mais non, c'est quand même très, tout ça est très calibré. Hein, je veux dire, les vaches sont bien gardées. Voilà, bon. Je dis ça comme ça. Et alors, juste sur Giroud, parce que tu disais, oui, les gens, les Arabes l'aiment pas parce que c'est le blanc. Il y a un peu de ça parce qu'il y a beaucoup de jalousie. Ils veulent que le buteur en chef, ça soit un mec de leur groupe. Donc, c'est clair que ça joue. Mais les Arabes, en fait, sont pas, enfin, les Arabo-Maghrébins sont pas très raciaux au sens strict. Il y a pas une théorie de la race chez ces gars-là. C'est plus chauvinisme maghrébin. Et dès que tu mets le facteur religieux dans le truc, ça bouleverse pas tout. Parce que le chauvinisme maghrébin reste très présent. Ça amplifie. Mais ça met le bordel dans leur tête. Hein. C'est-à-dire que quand ils voient des blancs convertis à l'islam avec des barbes pas possibles, avec des djellabas et tout, qui sont en mode salafiste et tout, là les Arabes, ils voient trouble. Hein. Ça devient compliqué. Ils sont là, tu vois, ils sont, ça les déstabilise profondément. Hein. Les blancs convertis à l'islam, ils ont, je veux dire, pas des tocards, hein, je dis pas les tocards, c'est des blancs déterminés et tout, en mode islam à bloc. Ou les Arabes, là, tout d'un coup, ils sont là, tu vois, la race, ils oublient complètement. Hein, ça passe complètement, pas totalement, parce que par exemple, tu sais que dans les familles où, moi, je parle même plutôt de familles blanches musulmanes intégralement. Je parle pas du tocard de blanc qui s'est converti à l'islam pour se mettre en ménage avec une maghrébine, ça c'est autre chose, parce que lui il passe de toute façon pour la cinquième roue du carrosse de toute façon dans sa belle famille, ça c'est garanti. Je vous parle de familles musulmanes blanches, racialement homogènes. Donc la femme est musulmane blanche, mariée à un blanc musulman, ils sont tous musulmans, et ils pratiquent leur... Là les musulmans, les arabes musulmans, ils voient ça, ils ont les yeux, ils sont troublés, hein, je vous assure. Ils vont pas aller les allumer comme ça en les traitant de sale gueule et tout. Hein. C'est non. Ah là, c'est ce que m'avait dit des maghrébins. Moi, j'avais discuté avec même des Algériens, des gens d'Algérie. Ils me disaient, y a rien à faire. Hein. La religion, ça fout le bordel dans la tête des Arabes. Hein. Alors que les Noirs, c'est racial, quoi. Les Noirs, c'est racial. Ils s'en foutent en fait de pratiquement de la religion. C'est-à-dire qu'un noir musulman qui est musulman, avec un autre noir, par rapport à un maghrébin qui est musulman aussi, ça va être compliqué. Le noir, il va quand même aller vers les noirs. Pas tout le temps, évidemment, c'est pas une science exacte. Enfin bon, bref. Voilà. Je me souviens quand même qu'à l'époque, il y a 4-5 ans, il était question que Ben Arfa revienne en équipe de France, mais ouais. Pour cela, il eût fallu que Giroud se blesse, ce qui aurait pu donner une chance à son retour. Donc, ouais. Je les voyais sur les réseaux sociaux en train de limite prier ou faire de la sorcellerie dans l'espoir que Giroud se blesse. Faut quand même être sacrément dérangé collectivement pour en arriver là. On voit pas les Blancs comme ça se réjouir des malheurs. C'est pas la même mentalité, tu peux pas comparer. C'est pas les mêmes pays, c'est pas la même culture, c'est pas la même race, c'est pas les mêmes réflexes. Donc c'est pas comparable. Mais pour corroborer ce que je disais, je sais pas si vous avez vu ça, on a diffusé ça sur le site cette semaine, mais c'était une femme blanche convertie à l'islam qui était mariée à un blanc converti à l'islam à Lille. Et alors c'est un couple intégralement blanc et de bonne race, hein, tu vois. Et les gamins, c'était des blonds, des petits blonds aux yeux bleus. Tu pouvais les mettre dans les jeunesses hitlériennes, c'était kiff kiff bourrico quoi. Et une sacrée fratrie, hein. Ils étaient 6 ou 7 gamins. Et alors, la maman, convertie à l'islam, essayait d'apprendre l'arabe aux gamins. Donc, c'était étrange, parce que c'était vraiment des blancs, de alors, je veux dire, biologiquement de bonne race, et les gamins, ils avaient vraiment des super têtes, ils étaient vraiment mignons, les gosses. Et alors, elle essayait de les embringuer, et ça, c'est intéressant, ça n'avait pas l'air d'amorcer avec les gosses. Donc, le père est musulman, il est blanc. La mère est musulmane, elle est blanche. L'homme porte le kamis, donc la tenue islamique. La femme porte la tenue islamique et elle leur apprend l'arabe à la maison. Donc, et les gamins, ils n'étaient ils n'amorçaient pas. Alors que l'environnement était totalement islamique. Et les gamins, ils n'amorçaient pas. Et là, tu dis, c'est quand même étonnant, il y a quelque chose de racial parce que... Il y a encore quelques années, Inès s'appelait Christine. Changement de religion, de nom, mais aussi d'emploi. Parce qu'elle ne veut pas quitter son voile, l'ancienne aide-soignante travaille aujourd'hui à la maison. On enlève ses chaussures, on enlève son manteau. Iliane, tu enlèves tes chaussures et ton manteau. Ibrahim, tu laves tes mains. Iliane, Ibrahim, Myriam ou encore Asna, Inès et son mari ont choisi des prénoms musulmans pour leurs 7 enfants. Ils ont embrassé une religion, mais surtout ses valeurs et son mode de vie. Tu vas prendre ton cartable, Ibrahim. On va faire la lecture de ton livre. Et Iliane, tu prends ton cahier, tu révises... Non, il est sur la table, Nourania. À peine rentrée de l'école, cours d'arabe et de religion d'accord, pour les plus grands. Dans le désordre. Grâce à ce stylo de lecture électronique. Tiens, on va mettre la fatiha. C'est ça la fatiha? Non. Maman. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, en fait, c'est un ordinateur avec le Shir qui a mis cette méthode en place. Et donc, on entend bien la prononciation exacte des lettres et des sorties de lettres. Donc, nous, on n'est pas arabophones. C'est très difficile d'expliquer... à nos enfants, et donc cette méthode, ben, ça reste dans la continuité en fait, là, de ce qu'ils apprennent à l'école, et ils entendent bien avec qui va manger. Kof, kef, lem, mim, nun, peut-être ils iront vivre dans un pays, ils iront étudier en Égypte ou en Arabie Saoudite, et puis je pense voilà, c'est important de connaître la langue de notre religion, parce que c'est aussi la langue qui sera parlée quand on sera au paradis, Inch'Allah, ben ça sera l'arabe, en fait. Donc, c'est important. Une vision jusqu'au boutiste de l'islam, qui passe par un apprentissage rigoureux pour les enfants. Après, voilà, Iliane n'aime pas trop, c'est pas trop... il n'est pas trop fan, mais bon... Ouais, mais il n'est pas trop fan quand même. Inès est mariée depuis plus de 10 ans avec Farid. Lui aussi s'est converti dans sa jeunesse. Donc en fait, je me suis converti à l'âge de 22 ans. Donc c'était en 2002, donc ça fait 13 ans. Et donc je me suis converti au quartier de l'île Sud. Donc c'était dans une mosquée qui était au quartier. Donc tous les copains étaient là en tant que témoins. Et c'est de l'oncle de Kevin, c'est de lui Farid. Qu'est-ce que l'islam a apporté à Kevin pour qu'il devienne Farid? Je pense de la sagesse. Parce que c'est vrai que dans un quartier dit difficile, entre guillemets, on a pas mal de portes, surtout de mauvaises portes qu'on peut emprunter. Et je pense que ça m'a évité pas mal de problèmes au niveau de la délinquance et tout. Bien que dans un environnement totalement islamique, les gamins, tu sentais que les gamins, ils rentraient pas dans le, ils s'identifiaient pas au truc des parents. Étonnant quand même, et très étonnant. Et d'ailleurs, la mère disait que le plus grand des gamins, il approchait de la dizaine d'années, elle disait à lui, il n'y a rien à faire, il veut pas, ça l'intéresse pas. Étonnant hein, quand même, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas, Derek, toi ça te parle ou quoi, qu'est-ce que t'en dirais toi? Ouais, bah c'est... Enfin... Le fait que, bon, déjà, c'est assez rare, je pense, quand t'as deux convertis qui se mettent ensemble, c'est quand même un truc qui est vraiment tourné monde arabe, etc. Et puis après, même si tu as les parents qui poussent, les gosses, tu peux pas les garder, enfin, tu peux pas les couper du monde extérieur, donc, que les deux, là, soient... c'est dans le Nord, je crois, hein, Lille, hein, Martine Aubry, ouais, socialisme. Ouais. Ouais, voilà, donc que les deux, par convergence des catastrophes dans ce coin-là, soient devenus musulmans, se soient trouvés et fait des gosses qui se retrouvent être blancs, du coup, même si eux sont musulmans, ils sont... Enfin, ouais, c'était un petit peu le hasard qu'ils soient blancs. Mais ça te fait des blancs, mais bon, qui ne se donnent pas forcément les mêmes... les mêmes interactions avec leur environnement qui fait que les blancs vont se convertir à l'islam. Donc, c'est vrai que je pense que les deux ont eu des parcours très particuliers et c'est une bonne chose quand même que ça qu'il y ait l'esprit de liberté, je pense, quand même chez ces jeunes, de pas s'embrigader dans la secte mahométane, enfin dans la religion du désert, quoi, surtout, hein. Bon, c'est quand même le désert mental, ouais. Ouais, le désert mental, quoi. C'est pas que la religion, c'est vraiment tout, quoi. C'est-à-dire, c'est le mosaïsme partout, quoi. La loi. C'est pas notre truc, quoi. C'est pas Abraham. Abraham. Ouais. Bon, eh bien, c'est une émission courte cette semaine, mais merci aux participants. À la semaine prochaine, les amis. À la semaine prochaine. À plus.